Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Augustin Frigon, bâtisseur de l'ombre et père du réseau français de Radio-Canada. Avec la puissance de la radio américaine, avec la puissance des annonceurs américains, avec cette activité américaine, il n'y a pas de doute que si nous n'avions pas au Canada un réseau d'intérêt national, d'intérêt public, nous deviendrons tout simplement une annexe des réseaux américains. Au moment où il prononce ces mots, en 1943, Augustin Frigon est directeur général adjoint de Radio-Canada. C'est l'année suivante qu'il en deviendra finalement le directeur général. Et si le nom d'Augustin Frigon est intimement associé à l'histoire de Radio-Canada, c'est à lui qu'on doit notamment la création du réseau français, son passage à la direction générale de l'enseignement technique de la province de Québec et à la direction de l'École polytechnique de Montréal dans les années 1920 et 1930, font de lui un véritable bâtisseur de ce Québec moderne qui commence à prendre forme avant même le grand tournant de la Révolution tranquille. Chers auditeurs, j'ai l'honneur de vous présenter M. Augustin Frigon, directeur général adjoint de Radio-Canada, qui inaugurera à l'instant la série 1941-42 de Radio Collège. Radio Collège. L'on peut dire sans exagérer que la radiodiffusion peut prendre un caractère éducatif dans presque toutes ses manifestations. Mais si la radio joue un rôle éducatif indirect, elle peut intervenir de façon plus intime dans l'enseignement proprement dit. Elle ne peut évidemment pas remplacer le professeur dans la salle de cours, mais elle peut fort bien faire partie intégrale des méthodes dont on dispose pour donner aux élèves l'enseignement ordinaire des programmes scolaires. Radio Collège, un groupe de 230 émissions intéressantes et utiles, est offert à tous les auditeurs de Radio-Canada. Radio Collège n'a pas la prétention de remplacer ou même de complémenter nos cours d'études. Ce sera de la radiodiffusion éducative tout simplement. L'émission Radio-Collège reste l'une des réalisations dont Augustin Frigon se dira le plus fier comme directeur général adjoint, puis comme directeur général de Radio-Canada. Pas étonnant quand on sait l'importance qu'il va, tout au cours de sa vie, accorder à l'éducation comme outil de développement d'une société, des francophones en particulier. Pour nous parler de l'héritage que nous laisse Augustin Frigon, je reçois Robert Gagnon, qui est professeur au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal, co-auteur avec Pierre Frigon du récent ouvrage « Augustin Frigon, sciences, techniques et radiodiffusion ». Robert Gagnon, bonjour. Bonjour. Vous venez donc de publier cette biographie d'Augustin Frigon. Pourquoi? Pourquoi teniez-vous tant à publier une biographie d'Augustin Frigon? D'abord, l'idée vient de Pierre Frigon, qui, en passant, n'a aucun lien de parenté avec Augustin Frigon, qui est venu cogner à ma porte du bureau de professeur à l'UQAM et qui me propose donc de faire cette biographie-là. Parce que je connaissais, j'étais un des rares historiens à bien connaître Augustin Frigon. J'avais fait l'histoire de l'école polytechnique, il avait joué un rôle extrêmement important. Ouais. Et je me suis dit, quelle sacrée bonne idée que de faire connaître au grand public ce bonhomme, cet acteur historique qui a joué un rôle extrêmement important dans le développement moderne du Québec. C'est quelqu'un qui a bâti le réseau français de Radio-Canada, qui a mis sur la map l'école polytechnique de Montréal et qui a... à différents niveaux, a toujours essayé de permettre aux Canadiens français de jouer un rôle plus important dans l'économie. Un grand bâtisseur comme d'autres noms qu'on connaît davantage, comme Lionel Groulx, comme le frère Marie-Victorin. Pourquoi celui-là, le nom d'Augustin Frigon, il est un peu passé à l'oubli, Robert Gagnon? Eh bien, effectivement, les gens en génie, en science, en technique, ce ne sont pas des objets qui intéressent beaucoup les historiens, qui sont plus intéressés par des gens qui ont fait des productions culturelles, qui ont créé des journaux, qui ont mis en place des ouvrages, qui ont écrit des ouvrages qui vont célébrer le nationalisme québécois, etc. Non, Augustin Frigon, c'est un homme de terrain. C'est quelqu'un qui travaille dans l'ombre. Oui, c'est un scientifique qui a accumulé des diplômes vraiment importants, mais qui a toujours travaillé un peu dans l'ombre, ouais. À l'intérieur d'une panoplie d'institutions qui est plus ou moins importante, l'École polytechnique, la Commission des services électriques de Montréal, la Commission des écoles catholiques de Montréal, au Comité catholique du Conseil de l'instruction publique. Donc, il a travaillé dans une panoplie d'institutions, mais toujours sans éclat. Oui. Ce qui fait qu'on l'a oublié, effectivement. Parlons de son parcours, parce que c'est intéressant, puis ça va le suivre et le servir toute sa vie. Je le disais là, au passage, c'est vraiment un scientifique de formation, Augustin Frigon. Parlez-nous justement de ces années de formation-là, parce que déjà, c'est pas banal. C'est quelqu'un qui va éventuellement diriger Polytechnique, mais qui va fréquenter de grandes écoles aux États-Unis, en France, un peu partout. D'abord, c'est un diplômé de l'École Polytechnique, s'inscrit en 1905, reçoit son diplôme en 1909, et l'année suivante, il s'en va suivre des cours au MIT, Massachusetts Institute of Technology. Et donc, c'est très rare, d'ailleurs, là, qu'un Canadien français s'expatrie pour aller suivre des cours. Il est déjà professeur à l'École Polytechnique, presque en sortant de sa promotion à Polytechnique. Il revient. Il va avoir comme objectif d'aller poursuivre encore ses études, mais en Europe, à Paris cette fois-ci. Il fait sa demande en 1914. Mauvaise idée de faire une demande pour aller étudier en 1914. La guerre éclate. Son projet avorte. Il va, en 1920, il va pouvoir réaliser son rêve. Il traverse l'Atlantique. Il s'inscrit à l'École supérieure d'électricité de Paris. Il reçoit son diplôme d'ingénieur électricien. Son professeur lui dit, tu es assez brillant, tu vas faire une thèse de doctorat en une année. Et en 1922, il reçoit son diplôme de doctorat en sciences de la Sorbonne. Ouais. Et lorsqu'il revient à Montréal en 1922, il a dans sa besace un diplôme que personne d'autre au Canada français possède. Ouais. Et ça va y ouvrir toutes les portes. L'année suivante, en 23, on le nomme directeur de l'École Polytechnique. C'est la première fois qu'un Canadien français occupe ce poste-là. Avant, c'était un Belge, avant lui, c'était un Français. Il va devenir directeur général de l'enseignement technique dès 1924. On va le retrouver au Conseil national de recherche du Canada qui a été créé à la fin des années 1910. Et donc, il va être invité à être un des trois commissaires à la commission Hertz. C'est une commission royale d'enquête sur la radiodiffusion au Canada. Ouais. Donc, vous voyez, ce diplôme-là lui permet là, d'occuper des positions importantes parce qu'il est seul à détenir cette compétence-là. Ouais. Et la commission Hertz, ça va le mener à Radio-Canada. On va y revenir sur son passage très important à Radio-Canada dans un instant, mais un dernier petit mot sur le scientifique qu'il est, sur les postes de direction importants qu'il va occuper à l'École polytechnique, mais aussi comme directeur général de l'enseignement technique au Québec, parce que ça nous permet, Robert Gagnon, de parler de, j'ai presque envie de dire, de l'éducateur, en tout cas de la vision qu'il a, Augustin Frigon, de l'éducation. Oui. Bizarrement, M. Frigon occupe un poste de directeur dans une université, hein, l'École polytechnique de Montréal. Il est directeur de l'enseignement technique, donc il chapeaute tout ce qui est enseignement technique. On vient de créer des écoles techniques à Québec, à Montréal et à Hull. Il va être commissaire à la CECM, donc il s'occupe du primaire et qui vient de développer un enseignement secondaire public. Il va être au comité catholique du Conseil de l'instruction publique, l'organisme central hein, en éducation au Québec. Et il va développer, il va avoir une stratégie pour inculquer aux Canadiens français, dès le plus jeune âge, dès le primaire, il va demander qu'on instaure des cours de travaux manuels. Au collège classique, il va demander qu'on donne des cours de sciences de façon beaucoup plus grande qu'on le faisait avant. À l'École polytechnique, il va créer un noyau de professeurs à temps plein. Il va transformer complètement l'École polytechnique en construisant de nouveaux bâtiments. Donc, amener les francophones à s'intéresser à la science, qui ne faisait pas beaucoup. Puis il y aura des écoles aussi, c'est quelqu'un qui est pour l'enseignement technique, là, concret. Je ne nommerai qu'une des écoles qu'il va... C'est lui qui l'a créé, l'École du meuble, non? Exactement. Où passeront Riopelle, Bordeaux est associé. C'est des grandes écoles là, techniques, mais qui vont être importantes. Oui, c'est Gauvreau qui en est souvent celui qu'on salue comme étant le premier directeur et créateur de l'École du meuble, mais derrière cette école-là, l'idée vient d'Augustin Frigon. D'ailleurs, l'enseignement technique, c'était de 3 ans. Augustin Frigon va la rendre à 4 ans. Ouais. Cette quatrième année-là, on va enseigner le français, on va enseigner la géographie, on va enseigner l'histoire, on va enseigner l'anglais, la comptabilité, pour rehausser le statut social de celui qui est un technicien. Ouais. Revenons donc au Augustin Frigon, père du réseau français de Radio-Canada, que j'ai évoqué au tout début de l'émission, parce que ce 15 ans qu'il va passer à Radio-Canada va être très, très important pour lui dans sa carrière, mais pour nous tous, pour tous ceux qui sont à l'écoute aujourd'hui, c'est vraiment le père du réseau français de Radio-Canada. On l'écoute faire le bilan. Il va passer à peu près 15 ans à Radio-Canada. On l'écoute en novembre 1951. Il est à la toute veille de quitter Radio-Canada. Il va mourir l'année suivante. On l'écoute faire le bilan du chemin parcouru dans ces 15 années qu'il va passer à Radio-Canada. Il est intéressant de vous rappeler qu'au début, aucun poste ne nous appartena. Nous utilisions à loyer les installations de la compagnie Marconi qui fonctionnait 6 heures par jour seulement. Plusieurs employés étaient à la charge de Marconi. Depuis, nous avons créé un réseau pour la province du Québec seulement, indépendant de ceux de l'anglaise, comprenant les 3 postes de Radio-Canada et 12 postes privés utilisés selon les besoins. Les nôtres sont CBF de 50 000 watts, le premier poste de grande puissance au Canada et utilisé pour les programmes en langue française à Montréal, CBB de 1 000 watts à Québec et CBJ de 10 000 watts à Chicoutimi. Nous occupions en 1936 à peu près la moitié d'un étage d'un édifice de la rue Sainte-Catherine à Montréal. À Québec, nous avions 2 chambres transformées en studio et bureau. À Chicoutimi, le studio, l'administration et le poste émetteur étaient tous logés dans un cottage situé dans un endroit peu accessible. Aujourd'hui, nous avons l'édifice Radio-Canada à Montréal. À Québec, nous sommes bien installés au Palais Montcalm et à Chicoutimi. Nous avons des studios modernes et un poste émetteur particulièrement bien soigné. Comme personnel, nous avions 19 employés à Montréal et, si on ajoute ceux de Québec et de Chicoutimi, 22 pour toute la province de Québec. Aujourd'hui, nous comptons 620 employés à Montréal seulement et 680 dans la province. C'est comme directeur général adjoint de Radio-Canada de 1936 à 1944, puis comme directeur général de 1944 à 1951, qu'Augustin Frigon va probablement laisser sa marque la plus durable, Robert Gagnon. Comment se retrouve-t-il d'abord à Radio-Canada? Et quelle importance, comment résumer là, le rôle qu'il va jouer dans cette quinzaine d'années? Ça commence avec la commission Hertz, juste 3 commissaires. Hein. Le président, c'est M. Hertz, c'est un banquier. On a aussi M. Bowman, qui est un propriétaire de journaux. Le seul qui connaît un peu le domaine, c'est le Canadien français de service, qui est Augustin Frigon. Donc, oui. Ça le lance dans le monde de la radiodiffusion. Le rapport Hertz est publié en 1929. Puis en 30, ben c'est la crise. Ouais. Et puis c'est un nouveau gouvernement. Et bon, ça vivote. Et en 36, quand les libéraux, en 35, bon, mais ça, reviennent au pouvoir. Et en 36, on crée Radio-Canada. Et effectivement, on va chercher notre Canadien français de service parce qu'on sait très bien que quand on crée une grande institution comme celle-là qui va s'intéresser à la culture nationale, donc à quelque chose de très sensible pour les Canadiens français, hein, ça va dans les mains des anglophones, et donc ça, c'est question de la culture. Il nous faut un Canadien français qui va venir dire « on va s'occuper de vous, les Canadiens français ». Il ne veut pas y aller au début, mais on va lui, comme on dit en bon Canadien français, on va lui tordre le bras. Ouais. Il va accepter. D'ailleurs, une belle petite anecdote là-dessus. Ça s'appelle, cette nouvelle institution, Canadian Broadcasting Corporation. Frigon dit « Non, non, vous allez appeler ça Radio-Canada ». Pourquoi Radio-Canada? Parce que Radio et Canada sont 2 mots internationaux. Dans toutes les langues, la radio, c'est radio. Dans toutes les langues, Canada, c'est Canada. Et on va lui faire la concession, parce qu'on lui dit « Jamais les Canadiens anglais voudront ça ». Mais en français, ça ne s'appellera pas la Corporation canadienne de radiodiffusion. Ouais. Ça va s'appeler Radio-Canada. Qui aurait été un calque de l'anglais, puis qui vient... C'est ça. Comme on faisait. BBC, c'est ça. Et donc, on lui doit ce nom-là. Et bien sûr, ce qu'on lui demande, hein, c'est de s'occuper du réseau francophone. Et comme c'est vraiment un très bon administrateur, un très bon organisateur, entre 1937 et 1940, il va mettre sur pied ce réseau de Radio-Canada qui va être le plus grand producteur d'émissions originales. Vous savez, presque 80 % de ce qui produit Radio-Canada, CBC, qui sont produits par le réseau français. Ouais. Et ça sera une bataille, ça, pour lui. Bien sûr, il nous faut un Canadien français qui s'occupe de cette culture-là, c'est le début de la radiodiffusion. C'est le début de la radiodiffusion publique au pays. Il faut avoir en tête ça. Il faut avoir en tête l'immensité du pays. Il y a des gens dans l'Ouest, je pense à l'Ouest, mais qui veulent, des anglophones, qui veulent leur radio. Donc, Frigon doit lui imposer, construire un réseau français au moment où les anglophones regardent ça en se disant « Mais on veut notre station anglophone. » Là, on est en train de bâtir un réseau pour... des francophones, mais qui sont moins nombreux. C'est ça le contexte. Sa bataille, ça va être ça. Oui. D'abord, quand on dit bâtir un réseau, la première chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que, un, c'est de l'argent et c'est des instruments techniques. Oui. Ça nous prend des antennes qui vont avoir des puissances extrêmes pour rejoindre... Vous savez que le Canada, c'est grand. Pour rejoindre, ne serait-ce qu'au Québec, hein, qui est 3 fois grand comme la France, là. Et ça nous prend des émetteurs puissants. C'est ça qui va se battre, avoir l'argent pour pouvoir construire ces émetteurs qui vont pouvoir rejoindre le plus de francophones au pays. Bien sûr, les premiers qui vont... qui vont jouir de ça, c'est ceux qui restent au Québec, parce que les francophones sont plus nombreux dans cette province-là. Mais il va se battre aussi pour essayer d'avoir des émissions françaises à l'extérieur, des franco-manitobains, les franco-ontariens, les acadiens, etc. Et cette bataille qu'il va mener, il l'a menée pour l'enseignement des sciences, il veut que les francophones aillent chercher cette compétence-là, il veut que les francophones, donc, aient droit à un réseau français à Radio-Canada digne de ce nom. Et cette bataille-là, pour l'avancement des francophones, il va devoir la mener pour son propre avenir. En fait, il est pendant des années directeur adjoint. C'est l'homme clé de cette boîte-là. Et il finit par être directeur général, mais vraiment, il doit se battre même pour qu'on reconnaisse, qu'on lui donne ce poste-là. Depuis 1941, le premier directeur général de Radio-Canada, Gladstone Murray, qui en passant était un pro-francophone, et donc chez les anglophones, on ne l'aimait pas beaucoup, il est pris un peu dans des scandales, il ne s'occupe pas trop de la bâtisse. Celui qui mène, hein, qui tient Radio-Canada et CBC dans ses mains, c'est Augustin Frigon. Et en 1941, on va lui enlever à Gladstone Murray beaucoup de fonctions pour les donner à Augustin Frigon. Dès 1941, la cheville ouvrière de Radio-Canada, c'est Augustin Frigon. Lorsque Murray part en 1942, il est remplacé par un universitaire, et en 1943, celui-ci s'en va parce qu'il avait décidé d'être là juste une année. Donc, qui va remplacer cet universitaire-là? C'est sûr que c'est Augustin Frigon. Il mène la boîte depuis 7-8 ans. Le bureau des gouverneurs de Radio-Canada refuse qu'Augustin Frigon devienne directeur général, tout simplement parce qu'il est Canadien-Français. Dans une archive que nous avons trouvée, là, c'est évident. Oui. On dit que c'est pas une bonne idée de mettre Augustin Frigon comme directeur général parce que ça exacerberait le sentiment anti-francophone dans l'Ouest, sentiment qui est déjà assez fort. On est en 1943, là. On est en novembre-décembre 1943. Finalement, c'est le comité spécial de radiodiffusion qui est là depuis 1941, qui va faire un rapport et qui va dire... Il n'y a pas personne d'autre qui peut prendre la direction de Radio-Canada que Augustin Frigon. Il mène cette société-là depuis 4-5 ans. Il connaît tous les dossiers. On ne peut pas mettre quelqu'un d'autre qu'Augustin Frigon. Et c'est pour ça qu'en 1944, il va être nommé. Et cette histoire-là, elle est plus qu'anecdotique parce qu'elle montre d'abord à quoi ressemble ce pays-là, les institutions fédérales à ce moment-là, dans les années 40, avec les anglophones qui emmènent très large, puis il n'y a presque pas de place de fait aux francophones. Puis ça nous ramène aussi, encore une fois, à ce que va être la vie d'Augustin Frigon pendant 15 ans à Radio-Canada, cette bataille qu'il va mener au quotidien pour que les francophones aient aussi droit à des services et à un réseau francophone qui ait de l'allure, passez-moi l'expression. Arrive la guerre, avec cette guerre-là, évidemment, ce sera l'occasion pour Augustin Frigon, Radio-Canada International est créé en 45, donc à la fin de la guerre. Le service des nouvelles est créé en 41. Donc, il y a des journalistes qui vont être déployés sur le terrain pour couvrir cette guerre-là. Radio-Canada va même appuyer techniquement les forces de la France libre. Donc, ça nous montre l'importance que Radio-Canada va avoir pendant la guerre. Mais au cours de ce conflit-là, il y aura aussi une controverse. Probablement, la seule controverse la plus importante controverse à laquelle Augustin Frigon fera face. Il est pris à partie par le journaliste André Laurendeau. Il faut s'en souvenir, en 42, c'est le plébiscite sur la conscription. On écoute Gérard Pelletier nous rappeler cet épisode-là à l'émission Histoire de la presse écrite au Québec, diffusée en janvier 1980. C'était aussi extrêmement gouvernemental, Radio-Canada, à l'époque. Il y avait un référendum tenu par le gouvernement fédéral et les gens qui voulaient répondre non n'ont pas été admis à argumenter sur les postes de Radio-Canada. Ils ont été obligés de se contenter des postes privés, alors que ceux qui voulaient parler pour le oui avaient les antennes de Radio-Canada. Est-ce l'intention de la société Radio-Canada d'accorder une chance égale, c'est-à-dire un nombre égal d'heures, aux citoyens canadiens estimant que la réponse au plébiscite doit être non et qui voudraient orienter l'opinion en ce sens? Le plébiscite qui s'en vient en est-il un à la Hitler? La radio officielle servira-t-elle à éduquer sur le mode totalitaire? L'opposition qui, dans le cas présent, recrute peut-être plus de partisans que le parti unique du oui, sera-t-elle bannie de Radio-Canada? C'est un extrait de la lettre qu'écrit André Laurendeau à Augustin Frigon qu'on vient d'entendre. C'est un comédien, évidemment, qui lisait cet extrait de lettre. Et puis, juste avant, donc, Gérard Pelletier qui nous racontait cet épisode-là autour du plébiscite sur la conscription en 1942, Robert Gagnon. C'est vraiment peut-être la plus grande controverse avec laquelle va devoir composer Augustin Frigon. Que lui reproche le Rondeau? À quoi ça ressemble, cette crise-là? Il lui reproche tout simplement d'appliquer à la lettre les directives de Radio-Canada qui s'appliquaient essentiellement à des élections. Hein? Radio-Canada, qui voulait être objectif, avait dans ses règles de donner des temps d'antenne à toutes les parties lors des élections pour pouvoir se présenter aux électeurs et éclairer les électeurs sur les différents choix qui se donnaient. Le problème, c'est que le temps d'antenne est donné à des partis. Oui. Et donc, Frigon va lui dire, bien, écoutez, on applique ça. Et donc, il n'y a pas de parti, là, parce qu'on ne peut pas donner de temps d'antenne à des groupes qui ont des idées politiques pour les promouvoir, ces idées-là. C'est juste à des partis qu'on a... Parti fédéraux. C'est ça. Et donc, le Rondeau dit, non, vous n'avez pas compris, là, ce n'est pas une élection. C'est un référendum. À l'époque, on appelait ça le plébiscite. Et donc, il y a deux camps. Il y a un camp du oui et il y a un camp du non. Et donc, l'enjeu, c'est d'éclairer les Canadiens sur les arguments de ceux qui font la promotion du non et des enjeux et arguments pour ceux qui font la promotion du oui. Et donc, effectivement, vous pouvez pas, il n'y a pas de parti dans ce plébiscite-là. Finalement, Augustin Frigon ne répondra pas. On va lui reprocher. Le camp du non n'aura pas de temps d'antenne. Ça ne changera pas grand-chose, hein, parce que le camp du non au Québec a gagné largement. Oui. C'est 71%. Et si on compte juste les Canadiens français, c'est au-dessus de 80% pour le non. Ça ne changera pas grand-chose. Bon, en 46, on va lui demander pourquoi vous avez fait ça, etc. Ben, il dit, effectivement, j'ai pris les directives comme on les avait. Et puis, on lui demande, oui, mais le referiez-vous? Probablement pas. Est-ce que vous pensez que c'est une erreur? Il dit oui. Oui. Je pense que c'était une erreur de ma part. Et ça nous dit quoi? On termine là-dessus, Robert Gagnon, mais cet épisode-là, c'est un homme, donc, du Sérail, c'est un mandarin, hein, au service du public, de l'appareil gouvernemental, Augustin Frigon. Cet épisode autour du plébiscite sur la conscription, ça nous dit quoi sur sa pensée politique? Il loge où? Est-ce qu'on le sait, Augustin Frigon, politiquement? Il loge à l'enseigne des libéraux. C'est quelqu'un qui va se battre toute sa vie pour faire la promotion des Canadiens français dans un secteur qui leur échappe, celui de l'industrie et celui de l'économie. Ça, c'est clair et net. Les interviews, les conférences qu'il donne, les articles qu'il publie vont toujours dans ce sens-là. Ouais. Robert Gagnon, c'était un bonheur de vous recevoir, professeur au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal, co-auteur, je le rappelle, avec Pierre Frigon du livre Augustin Frigon, sciences, techniques et radiodiffusion. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre nouvelle application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.